D. Vous êtes parti en vacances en août ? Oui, je suis parti en vacances en août. Vous avez vécu une vie intense ? Oui, j'ai vécu une vie intense. Vous avez lu un livre d'Émile Zola ? Oui, j'ai lu un livre d'Émile Zola. Vous êtes sorti le week-end dernier au ciné ? Oui, je suis sorti le week-end dernier au ciné. Vous avez couru un marathon ? Oui, j'ai couru un marathon. Vous avez pu aider des camarades en français ? Oui, j'ai pu aider des camarades en français. Vous avez conduit une voiture ? Oui, j'ai conduit une voiture. Vous avez bu de l'Orangina ? Oui, j'ai bu de l'Orangina. Vous avez vu le Futuroscope ? Oui, j'ai vu le Futuroscope. Vous êtes assise sur un trône ? Oui, je suis assise sur un trône.